Parlez, j'attends. Ce ne sont pas des chansons que je te demande, c'est une réponse. Nous le prenons sur ce ton-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des coups de couteau et que c'est elle qui les a donnés. Vous avez la main leste, décidez-vous. Trouvez-moi une corde. Et attachez-moi ces deux jolies mains. C'est dommage, vraiment, car elle est gentille. Mais si gentille que vous soyez, un petit tour en prison ne vous fera pas de mal. Vous pourrez y chanter vos chansons de bohémienne. C'est le geôlier qui vous dira ce qu'il en pense. Je vais écrire l'ordre. C'est vous qui la conduirez.